va me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Tu vas me manquer. La seule fierté de ma minable vie qui, malgré tout, continue aujourd'hui sans amour, sans folie. Tu vas me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Tu vas me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. La seule fille bien au-delà de ce que mérite un pauvre type comme moi. Tu ne veux pas de moi. Mais tu vas me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Tu vas me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. À boire de grenadine sur la terrasse d'un café sans périne. Je resterai seul et tu vas me manquer. Oh oh oh. Tu vas me manquer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Nous n'allons rien concrétiser. C'est fini. Tu m'as déjà quitté, jolie blonde que j'aimais. Tu vas me manquer.